Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un très beau film de Clint Eastwood. George est un Américain d'origine modeste, affecté d'un don de voyance qui pèse sur lui comme une malédiction. Marie, journaliste française, est confrontée à une expérience de mort imminente et en a été durablement bouleversée. Et quand Marcus, un jeune garçon de Londres, perd l'être qui lui était le plus cher et le plus indispensable, il se met désespérément en quête de réponse à ses interrogations. George, Marie et Marcus sont guidés par le même besoin de savoir, la même quête. Leurs destinées vont finir par se croiser pour tenter de répondre au mystère de l'au-delà. Donnez vos mains. En fait, je n'exerce plus. Votre frère, je vais vous dire, c'est vraiment du solide. Ça pourrait lui rapporter gros. Il a eu des locaux, un site internet, des articles de presse et même un bouquin écrit sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a craqué. Je peux te poser une question? Avant, je travaillais comme médium. Tu crois pas qu'il peut y avoir quelque chose, un au-delà? Je vous reconnais, vous êtes le médium. Écoute petit, sache que je n'exerce plus. Je vous donne ma parole, je ne le dirai à personne. Tu as le devoir de le faire, tu as un don. C'est une malédiction, c'est pas un don. Au-delà, un film de Clint Eastwood avec Matt Damon, Cécile de France, un DVD Warner Home Video.